Salut à tout le monde et bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce lundi. Voici d'abord les grands titres. La problématique d'insécurité sur le sol congolais a été remise dans les mains de la conférence internationale des Grands Lacs. Cela a été précisé par le président de la République de retour du sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Union africaine tenu depuis samedi à Malabo. Et les préparatifs au concours national qui commence dès ce mardi vont bon train. L'emporter, on peut passer en commune Nangwa, mairie d'Bujumbura et à Karusi. Nous ferons le point. Et les activités d'abattage sont interrompues depuis samedi dernier à l'abattoir de Bujumbura après la fièvre qui a attaqué le bovin dans certaines provinces du pays. Le directeur général de la SOJAB, société qui gère l'abattoir de Bujumbura, appelle le gouvernement à faire le possible pour disponibiliser le vaccin contre la fièvre qui ravage le bovin dans le but de limiter le manque à gagner pour les pays. Les détails, c'est dans quelques secondes. La problématique d'insécurité sur le sol congolais a été remise dans les mains de la Conférence internationale des Grands Lacs de retour du sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Union africaine tenu depuis samedi à Malabo, capitale équato-guinéenne. Le président burundais Evariste Ndayishimiye a en outre précisé que ce sommet a validé une lutte commune des pays africains contre les groupes armés sémant la zizanie dans chacun des pays. Suivez le président de la République Evariste Ndayishimiye. Le premier sujet a été traité le premier jour. On a fait le débat sur l'état délié de la situation humanitaire en Afrique. On a trouvé que presque tous les pays souffrent des effets du terrorisme, des conflits et aussi des catastrophes. Nous avons trouvé que c'est nécessaire qu'il y ait un cadre, cette fois-ci, de contribution pour chaque pays. Alors ce cadre a été créé, ça sera une agence humanitaire au niveau africain. Le deuxième jour, c'était le jour qui était décisif parce que nous devrions analyser la question du terrorisme en Afrique et les changements inconstitutionnels des régimes. On a trouvé que ça devient maintenant comme un fléau. En Afrique, presque partout, le terrorisme sévit. Alors il fallait étudier comment juguler ce terrorisme, mais aussi comment être solidaire. Nous avons trouvé que finalement, il faut que tous les pays africains soient solidaires, qu'ils traitent ensemble les groupes terroristes. Si la question du terrorisme, l'Est du Congo, ça a été traité de la même manière, mais nous avons regretté tous la résurgence des hostilités à l'Est du Congo au moment où les pays de la région avaient trouvé une solution, avaient trouvé une voie. Mais il y a un mouvement qui a repris les hostilités. Alors tout le monde a condamné cela et on a confié cette question à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui va traiter la question spécifiquement. Nous avons un cadre de suivi de l'accord cadre sur la République démocratique du Congo et nous espérons que nous allons trouver des solutions dans les meilleurs délais. Sinon, nous regrettons tous et nous condamnons tout ce qui s'est passé. C'était le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Page éducation à présent, les préparatifs au concours national qui commence ce samedi vont bon train sur certains centres de passation de ce concours en commune Nahangwa, là où nos confrères ont visité comme au lycée du Saint-Esprit et à l'ETESCA Mengue. Les activités ont commencé par la préparation des salles et le collage des numéros d'inscription des élèves sur les bancs pupitres. Les responsables des écoles, les enseignants assurent qu'ils se sont bien préparé, même au niveau des programmes. Et à Karusi, 1903 élèves de la 9e année fondamentale de cette province scolaire sont candidats au concours national de ce mardi et le passeront dans 29 centres. Le directeur provincial de l'enseignement indique que ces lauréats ont été bien préparés pour la réussite à ce concours de certification et d'orientation au poste fondamental. Le directeur affirme que les préparatifs sont au bon fixe, tant du côté matériel que du côté personnel, dont les surveillants. C'est au moment où la province scolaire de Karusi se classe généralement la première durant les 6 dernières années scolaires. Le point avec Blaise Pascal Kalalumi. 1903 élèves lauréats au concours national édition 2022 de la province scolaire d'Okaroussi passeront ce mardi ce concours dans 29 centres de passation. Le directeur provincial de l'enseignement d'Okaroussi informe que les superviseurs et les directeurs communaux de l'enseignement ont déjà acheminé les colis de ce concours jusqu'au niveau de différentes directions communales de la province et que 50 enseignants en assureront la surveillance. Pour ceux qui pensent que 50 est un effectif insuffisant par rapport à celui des centres de passation, le directeur provincial explique que certains des centres auront un seul surveillant par centre et d'autres en auront deux par centre selon l'effectif des candidats qui s'y trouvent. Ferdinand Avialiman a confirmé que les élèves ont été bien préparés pour la réussite à ce concours national, signalant entre autres les différentes évaluations organisées, le concours provincial qui a été fait le mois d'avril, mais aussi les tests qui ont été organisés au niveau communal et au niveau des réseaux scolaires. Au point de vue logistique, le directeur provincial de l'enseignement tranquillise que les véhicules, le carburant qui manque dans la province, mais aussi les frais nécessaires et que tout cela est disponible. Notons que la province scolaire de Karoussi se classe la première durant les 6 années scolaires successives et cela est confirmé par le directeur provincial. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Rendons-nous à présent à Ngozi, récolte d'à peu près 300 tonnes de semences sélectionnées, cultivées sous 50 hectares de marais de la Nyakidjiman, commune et province Ngozi. Le gouverneur de cette province et directeur provincial en charge de l'agriculture demande la conservation de 15% de cette récolte dans les hangars de stockage, quitte à la voie facilement pour la prochaine saison. Toutefois, certaines réticences de la mise en commun de ces récoltes terres s'observent. Toujours l'administration et les techniciens agricoles comptent tenir pour plus de réunions pour la sensibilisation. Propos tenus ce lundi, c'était lors du lancement officiel de la campagne provinciale de récolte du riz. Le point avec Apollinaire Muzagara. Excusez-nous pour cette erreur technique. À présent, page élevage. La production laitière chez les éleveurs de la colline Maranvia de la commune Muhanga en province Kayanza est passée de 150 litres par jour à 1200 litres. Propos de Polycarpe Misago, responsable de la coopérative Tezimbele Bgorodi, qui se dit satisfait du pas déjà franchi par ses éleveurs dans le développement et signale toutefois qu'il passe au contrôle du lait collecté suite à la maladie fièvre de la vallée Rift qui attaque ces jours-ci les bovins. Le reportage signé Jean-Marie Mayonga. Les éleveurs de la commune Muhanga, nous sommes dans la province de Kayanza, précisément sur la colline Maranvia. Les éleveurs de cette colline ont connu un pas satisfaisant dans la lutte contre la pauvreté dans leur communauté. Ces éleveurs précisent que la quantité du lait collecté et vendu à la coopérative Tezimberugorodi a fait qu'ils mènent une bonne vie. Auparavant, on cultivait, mais la production n'était pas bonne. Mais aujourd'hui, nous produisons beaucoup et même on produit en quantité suffisante. Il y a un don à 750 francs le litre. Le responsable de la coopérative dit qu'avant, ses éleveurs ne voyaient pas le bien de travail, mais qu'aujourd'hui, après avoir vu collecter et vendu à cette vie, ils ont commencé à boire et aujourd'hui, ils collectent jusqu'à 1200 litres par jour. Ce n'était pas facile pour les éleveurs de comprendre le bien fondé de travailler en coopérative, mais par après, ils ont compris que c'était nécessaire pour trouver le marché d'écoulement du lait. Par jour, on collectait 150 litres. 1200 litres. La vente de soleil contribue dans le développement économique de la commune car il paye les taxes communaux jusqu'à 3%. Le responsable de cette coopérative signale qu'au moment où il y a une maladie qui commence à attaquer les bovins, le lait produit est vérifié s'il est de bonne qualité avant d'être vendu. Quant à la direction provinciale d'élevage et agriculture de la province de Kayanza, Adelin Nyonsaba précise que le projet de collecte du moduler et le vendre à la coopérative a changé la vie de ses éleveurs. Il affirme que le lait collecté avant d'être distribué est testé pour voir s'il n'y a pas de maladie. Ce centre de collecte de lait ont tous les moyens nécessaires pour tester la qualité de ce lait. Donc, l'eau qui n'est pas de bonne qualité n'est pas laissé au niveau de ce centre de collecte de lait. C'est un projet qui a aussi intervenu dans la distribution des bovins de la céphalisone. D'une façon globale, l'apport du projet a été un apport très satisfaisant. Donc, ça a aidé à améliorer les conditions de vie de la population de Kayanza. Dans la province de Kayanza, on compte au nombre de 10 centres de collecte du lait et la commune Matongo vient à la tête dans la collecte du lait en grande quantité. Le gouverneur de la province Kayanza, colonel Rémi Chishahayo, dit qu'il appelle lancé à la population interdisant la consommation du lait, du viande et de la viande a été respecté. Il met toutefois en garde des commerçants vendeurs qui ne respectent pas cette mesure. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h07, revenons sur la page élevage. Récolte d'à peu près 300 tonnes de semences sélectionnées et cultivées sur 50 hectares de marais de la Nyakidjima en commune et province Ngodi. Le gouverneur de cette province et le directeur provincial en charge de l'agriculture demandent la conservation de 15% de cette récolte dans les hangars de stockage, quitte à la voir facilement pour la prochaine saison. Le point avec Apollina Mozagara. Ce marais de Nyakidjima de 108 hectares est exploité par 3102 riziculteurs réunis au sein de la coopérative Abatadzerins. Le représentant de cette coopérative, Claver Bouchoumi, indique qu'il compte récolter 6,5 tonnes par hectare suite à l'appui technique des Chinois contre une demi-tonne d'alors. Le gouverneur Emmanuel Nachonsanze et Mire Kugimana du BPA Ngozi conseillent à la population la conservation dans les hangars de 15% de la récolte de souris de bonne qualité offerte par la Chine afin d'avoir des semences pour la prochaine saison rizicole et a ajouté qu'à base de souris, ils vont avoir facilement des fertilisants et produits phytosanitaires après la vente sans attendre toujours la main extérieure, d'où l'encouragement de ces autorités à la politique de mise en commun des terres, même sur les collines pour stimuler la production. Certains cultivateurs semblent être réticents, d'où l'administration et les autorités en charge de l'agriculture envisagent plus de réunions de sensibilisation. 110 500 hectares de marais d'Ongozi sont occupés actuellement par des champs rizicoles, selon le directeur provincial en charge de l'environnement, agriculture et élevage. Et au total, cette province compte environ 20 000 hectares de marais d'Ongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Page commerce à présent. Les activités d'abattage sont interrompues depuis samedi dernier à l'abattoir de Bujumbura après la fièvre qui a attaqué le bovin dans certaines provinces du pays. Confirmation du directeur général de la SOJAB, la société qui gère l'abattoir de Bujumbura. Il appelle le gouvernement à faire le possible pour disponibiliser le vaccin contre la fièvre qui ravage le bovin et cela dans le but de limiter le manque à gagner pour le pays. Les détails avec Evaristo Nzikobanyanga. Arrivé à l'abattoir de Bujumbura, l'on est accueilli par un silence inhabituel, alors qu'habituellement, l'on était accueilli par des cris de vaches, de chèvres, de moutons et de porcs. Ce qui signifie que les activités d'abattage ont été interrompues depuis samedi dernier, selon Hubert Mbabazi, le directeur général de la SOJAB qui gère cet abattoir. C'est presque une cessation des activités, les activités d'abattage, parce que ici nous abattons principalement les bovins, les petits ruminants, c'est-à-dire les chèvres et les moutons. Comme vous venez de le dire, les différents marchés de l'intérieur du pays sont fermés, ils ont été fermés à cause de cette maladie. Maintenant, c'est la fermeture des marchés, c'est presque au niveau national. C'est le Nord qui a commencé à fermer les marchés, maintenant c'est presque au niveau national. Alors, quand on ferme les marchés, vous comprenez bien que les abattoirs également vont fermer. Ceux qui travaillent à l'abattoir de Bujumbura indiquent qu'ils sont dans le chômage. Ce vétérinaire rencontré sur les lieux déplore cette situation. Je répète en famille, nous savons que pour nourrir la famille, il n'y a que nous avons ici la salaire. Et maintenant, que nous n'avons pas travaillé, c'est encore difficile. C'est une perte de la famille. Nous communiquons aussi l'État que notre pays fait la force pour trouver au moins un vaccin ou bien un médicament pour traiter les animaux encore vivants. Hubert Mbabazi, directeur général de la SOGEAB, qui accueille uniquement le porc ces derniers jours, demande au gouvernement de tout faire pour que le vaccin contre la fièvre qui menace le bovin soit disponible pour limiter le manque à gagner. Ce que nous demandons aux autorités, c'est que les vaccins soient disponibles le plus rapidement possible et qu'on commence à vacciner le bétail. Je crois qu'après la vaccination du bétail, on pourra reprendre nos activités. Tous les secteurs pourront reprendre ses activités. L'interruption des activités d'abattage de bovins et le petit bétail a des répercussions sur la vie de la population. Au marché d'Oujabé, les stands réservés à la boucherie sont presque vides. Les bouchers qui possèdent de la viande ont du mal à vendre car les clients craignent d'être contaminés. Merci Evaristo Ndiko Banyanga. Page justice à présent, une amende comprise entre 100 et 200 000 francs burundais est l'une des sanctions infligées aux coupables de violences sexuelles dans certaines communes de la province Kayanza. Certains administratifs à la base signalent qu'à cette amende s'ajoute une peine d'emprisonnement. Vianney Ndikumana, chef de cabinet en province Kayanza, appelle les instances de justice de respecter les textes y relatifs. L'article 2, dans son point H, de la loi qui réprime les violences sexuelles basées sur le genre, stipule que le viol est tout rapport sexuel non consensuel. Certains habitants de la province Kayanza, eux, croient qu'on parle du viol lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans. Cet homme qui affirme qu'il a été auteur du viol dit avoir été sanctionné par une amende et l'obligation de prendre sa victime en mariage. Le malheur m'est arrivé ainsi. On s'était pas convenu. Ici à la commune, j'ai payé une amende de 100 000 francs beaux, disant que c'est pour la quittance. Pour le chef de colline Buziraguhindwa de la commune Muruta, les rapports sexuels forcés entre les adultes sont perçus comme de l'infidélité. Wigirimana Maurice dit qu'à côté de l'amende, l'auteur est parfois jeté en prison. Si nous les appréhendons, on les achemine tout de suite à la commune. Tout le monde paie une amende de 200 000 francs burundais. On les arrête, puis on les relaxe. J'ai même transmis cette problématique aux autorités supérieures. Même ici, il y a quelqu'un que j'ai acheminé à la commune. Il se croit fort, le procès est devant la justice. Vianney Ndikumana, chef de cabinet du gouverneur, dit que les auteurs des viols devraient être traduits en justice et demande à la population de les dénoncer. Il y a des présumés auteurs qui sont appréhendés ici et là, mais qui arrivaient au niveau des tribunaux, ils sont relâchés, alors qu'au niveau de la communauté, au niveau de l'administration, nous voyons qu'effectivement, les présumés auteurs ont commis les forfaits, mais à un certain moment, ils sont relâchés. C'est ce que nous comprenons. La peur que nous lançons, c'est que les présumés auteurs soient jugés conformément à la loi. Le Code pénal burundais, dans son article 35, stipule que le coupable du viol est puni d'une certitude pénale allant de 5 à 10 ans, mais que lorsque la victime est mineure ou élève, la peine varie entre 15 et 30 ans de prison ferme. Merci Omer Ndouaïo. Et à propos du concours national qui commence ce samedi, il est attendu au niveau national plus de 71 000 élèves pour la passation de son concours de 9e année et dans 920 centres de passation. Radio Isanganiro, chronique sport. Chronique sportive à présent, un arbitre de handball doit bénéficier de la formation dispensée par les experts du sport de handball avant de commencer son métier. Que Mourundidze alias amateur, président de la commission médias et relations publiques au sein de la fédération burundaise au sein de handball indique qu'un arbitre qui viole les règles lors de la compétition doit être puni conformément à la loi. Le point avec Marie-Claire Kazeneza. Pour devenir un arbitre de handball, on doit d'abord aimer ce sport avant de recevoir la formation dispensée par les experts dans le sport de handball. Explication de Eric Ngurunziza, alias amateur, président de la commission médias relations publiques au sein de la Fédération burundaise de handball. Les critères, d'abord c'est la volonté, parce qu'il n'y a pas une école destinée de faire l'arbitrage de handball. Un volontaire qui s'engage d'officier en rencontre sportive, il y a la formation des arbitres, il y a la progression. D'abord c'est la volonté, puis c'est la formation des arbitres. Si un lauréat progresse normalement, il devient un arbitre selon la progression. Cette formation se termine selon la capacité d'apprentissage des lauréats arbitres. Ça dépend de l'apprentissage de l'individu. Et si il y a la formation, le corps d'arbitre suit régulièrement la progression des jeunes arbitres. Si on trouve un binôme compétent qui est à mesure d'officier une rencontre sportive, le corps d'arbitre prend la décision de désigner l'individu pour officier un match. Donc au handball, on dit un binôme. On forme deux binômes, on forme deux individus pour collaborer. Ils deviennent les arbitres, quand ils progressent normalement, ces binômes officient les matchs déséquilibrés, les matchs moyens et aussi les matchs de haut niveau. On suit régulièrement les binômes pour devenir les arbitres de qualité. Ce président de la commission médias et relations publiques au sein de la Fédération burundaise de handball ajoute qu'un arbitre qui affiche un bon comportement dans des matchs locaux peut avoir la chance d'arbitrer les compétitions internationales. On regarde la maturité. Donc, par exemple, au Burundi, il y a un binôme qui a eu la chance de trouver le test théorique. Il attend le programme d'aller faire texte pratique. Donc là, c'est au niveau du programme de la Confédération internationale de handball. Si un arbitre devient mûr, il atteint le droit d'officier les matchs au niveau de l'association, au niveau de la fédération, au niveau de la Confédération africaine et aussi au niveau de la Confédération internationale. Un arbitre qui viole les lois lors de la compétition est puni conformément à la loi. Eric Ngurunziza précise que les arbitres burundais affichent un bon comportement d'une manière générale du fait que le corps des arbitres n'a suspendu aucun arbitre suite au mauvais comportement. C'est par cette chronique sportive que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi.